Cette semaine, on met sur plan de show. Déventure de Virgin Télévision, fermeture du canal Argent et départ de deux journalistes vedettes chez QMI. Ils ont pas su s'adapter, t'sais, en 2016, la mode c'est à l'aluminium or rosé, pas au argent, tout le monde sait ça. Donc merci Science des fourmis argentées du Sahara se font épiler pour la science. Ça va être quoi après? Des bains de boue pour les boues? Des augmentations mammaires pour les dromadaires? Et dans le segment Geek Célix, un courriel fait le tour du monde pour sauver une chinoise suicidaire. Au Mathieu Planchot tout de suite. Et voici celui qui a hâte de voir la pose d'ongles pour les pétoncles, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante, avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 18 avril 2016, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science et le segment Geek CNX. Dans quelques instants, oui, dès le départ, ce sera la chronique sur les jeux vidéo rétro de Gamer and Autre avec notre collaborateur Samuel Girard. Salut Samuel! Hello! Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Très simple, je vais faire ce que je vous avais promis de faire, donc je vais revenir sur le LAN ATS. Oui! Et après ça, je vais vous parler de Pokémon. Pokémon! Yeah! Ça va aller avec ma thématique d'animaux dans l'intro de tantôt. Oh yeah! Justement, avec la thématique d'animaux, je me suis dit, je vais mettre les petits oiseaux qu'on met à assemblage requis cet été. Mais la musique est tellement beatée du Mathieu Planchot qu'on entend à peine les oiseaux. Fait que pourquoi les mettre? Je vais peut-être pas continuer ça. Bon point! Pour commencer l'émission, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles, le jeu vidéo. Et on commence avec une chanson de qui sonne un petit peu Game Boy. En fait, ça s'appelle Boys Club 2. C'est par le groupe Boys Club. La pièce s'appelle West Exist. Voici tout de suite cette chanson au Mathieu Planchot sur CIF. West Texas sur l'album Boys Club 2 par Boys Club, une musique de Game Boy un petit peu, ou de une musique de film, de baleine ou peu importe, c'est ce qu'on dit sur kittenrock.co.uk. Allez retrouver le lien pour écouter ça et télécharger sur assemblagerequis.com. Maintenant, accueillons Samuel Girard une deuxième semaine de suite. Waouh, on innove ici, c'est incroyable. Voici d'un gamer à un autre. Bonjour Samuel Girard! Hello! Comment ça va? Ça va bien, toi aussi? Absolument. Est-ce que ça te déroute un petit peu, là, t'es mêlé vu que tu fais deux semaines de suite? Un petit peu, oui. Ouais. Oui, je suis pas habitué. Est-ce que tu vas prendre un mois off pour ça? Non, ben non, quand même. Quand même. Okay. Hein? Donc aujourd'hui, on parle entre autres du LAN ETS. On en a parlé un petit peu la semaine passée, on y revient. Oui, donc là, j'avais présenté le LAN ETS, maintenant j'y ai été. Oui! Donc, là, je peux vous en parler plus en détail. Bien. Donc, c'est ça. Ben, en fait, je suis peut-être pas le mieux placé parce que je suis pas un tripeux de LAN. Ouais, t'es pas allé vraiment partout. Là. T'avais des sections que tu préférais là-dedans. Ben, j'ai visité partout. Ouais. OK, sauf que de là à me réserver un coin avec mon ordinateur, participer à des LAN, c'est pas tout à fait mon genre. Non. Mais c'était bien, donc on arrive là, c'est plein de grandes tables, c'est interminable à ranger d'ordinateurs qu'il y a, donc c'est chaque personne, ils se réservent une chaise, ils amènent leur ordinateur, leur tour, leur écran. Les gens amènent encore leur tour, là. Oui. OK. Oui, puis ils s'installent sur leur spot qui leur est réservé. Ouais. OK. Et rendu là, ben, qu'est-ce que les gens font souvent, c'est que quand t'as une équipe pour jouer un jeu en ligne, eh ben, ils essayent de se placer un à côté de l'autre. Ouais. Puis là, ils affrontent d'autres équipes, mais ils sont tout un à côté de l'autre, puis là, ils peuvent se parler. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Fait que beaucoup de jeux comme League of Legends, World of Warcraft, Counter-Strike, Call of Duty. Donc, beaucoup de jeux qui se jouent en ligne. Autant de jeux récents que des vieux jeux. Ça, c'était beaucoup de jeux récents. Okay, okay. C'était surtout ça au niveau des LAN. Donc, ça, c'était la section principale. T'avais ça partout. À l'entrée, t'avais des kiosques. À l'entrée, excuse-moi. Ouh... Non, mais là... C'est bon. Donc à l'entrée, il y avait plusieurs kiosques, donc des commerçants mm-hmm. qui venaient présenter leur plus récent développement en pièces informatiques, des jeux. Il y avait Ubisoft qui était là, bon, ils venaient présenter plein de choses. Il y avait un kiosque ils m'ont interpellé, puis j'ai trouvé ça intéressant, donc ça s'appelle le Multijoueur. Okay. Et eux, c'est un magazine, ils font des chroniques, des critiques, ils font des podcasts, toutes sortes de choses sur les jeux vidéo. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. C'est 100% québécois, puis ils se spécialisent là-dedans. Mm-hmm. Puis donc ils me parlaient de ça un petit peu, les chroniqueurs qu'il y avait, puis le genre de sujet qu'ils couvraient. J'ai trouvé ça intéressant. Il y avait toutes sortes de choses qu'on pouvait essayer. Il y avait des kiosques pour la réalité virtuelle. Oh, ça c'est le fun. On pouvait essayer les casques de réalité virtuelle. Réalité virtuelle, réalité alternative aussi. Oui. C'est quoi, c'est ça, c'est alternatif l'autre mot? C'est celui où les choses apparaissent par-dessus le paysage au lieu d'être complètement dans les casques? C'est ça. Parce qu'il y a la partie où tu regardes l'écran. Ouais. Puis t'as l'autre partie aussi où tu vois à travers, c'est comme des lunettes, c'est mais il y a des choses qui apparaissent devant toi. Donc, le AR qu'on appelle. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y avait ça, il y avait les kiosques aussi des des sommités mondiales du gaming, là, vraiment les top mondiaux là. Donc eux avaient leur coin où s'installer, puis ils pouvaient faire des compétitions, on voyait les classements qui étaient affichés. Donc c'était en temps réel, j'imagine. En temps réel. Donc on pouvait voir ça. Il y avait une grande scène où il y a eu des filmats de cosplay, il y a eu les finales des différents jeux qu'on présentait là. Donc là, quand on était rendu que c'était les duels des meilleurs, ouais. Ben là, on présentait ça sur la scène principale, avait projeté sur un grand écran, et là, il y avait une scène, ben en fait, devant la scène, il y avait une pleine rangée de chaises, et il y avait même une estrade, ouais, à l'arrière. Tout le monde veut voir la finale, c'est ça. C'est ça, exactement. Il y a eu un spectacle symphonique, okay. Donc l'orchestre de jeux vidéo qui a présenté pendant une heure des chansons, ouais, de jeux vidéo. Vous avez déjà vu, mais j'imagine que tu es retourné les voir quand même. Ouais. Ben oui, puis ben surtout oui. Qu'ils n'ont rien joué de ce que j'avais vu. Ah, en plus. Parce que moi, quand j'avais été les voir, c'était le spécial Boss Battle. Ah oui. C'est ça. Et là, ils n'ont rien joué de ce spectacle-là. Ouais. Et ils en ont profité pour roder quelques chansons de leur prochain spectacle qui est thématique Nintendo 64. Wow. Oui, c'est, mais c'est ça, c'était un beau moment. Ouais, ça donc c'est ça, l'autre scène qui était complètement à l'opposé de la salle, c'est une plus petite scène, il y avait beaucoup d'entrevues qui se faisaient là. Mm-hmm. Donc là, différents médias qui voulaient interviewer des gens, ben ça se faisait là, il y avait installé des beaux divans, puis c'était très cosy comme ambiance. Ouais. Donc il y avait ça de ce côté-là. On a croisé beaucoup de gens de RDS qui étaient présents pour présenter les événements. Oui, ils couvraient ça sur leur site web rds.ca. Ouais, c'est ça. Puis on a croisé Denis Talbot. Oh cool. Ben oui, il était là. Mm-hmm. C'est ça, on a croisé aussi, en fait il y avait beaucoup de médias, même si c'est des gens un peu plus, qui font ça un petit peu sur le web, ces ouais, choses-là, mais beaucoup de caméras, beaucoup de micros, beaucoup de gens qui interviewaient, qui prenaient des photos. Ben c'est, même si c'est sur YouTube, peu importe, YouTube amène du budget publicitaire quand oui, même, exactement. Donc ça permet des équipements, plus qu'une station universitaire, comme c'est fou, mais c'est drôle, mais tu sais, c'est ça, c'est le futur peut-être. C'est hein? À nous de mettre nos affaires sur des sites qui peuvent rapporter. Ouais, c'est ça, oh! Ouais. On peut, ah non, mais c'est beau, regarde, c'est des projets lancés comme chacun ça. Chacun son rôle, hein? Mais c'est ça, exactement. C'est la beauté de la vie. Voilà. Pour tous les gens. Et voilà. c'est ça, donc là, c'est au fond de la salle, à gauche, il y avait une partie que c'était Super Smash Bros. Ah, cool. C'est ça, donc, c'était il y avait GameCube, Nintendo 64, il y avait la Wii, bon, il y avait plein de jeux d'installer avec des vieilles télévisions. Mm-hmm. Et qu'est-ce que les gens faisaient, c'est qu'ils s'affrontaient. Puis je pense qu'il y avait des tournois d'organiser pendant la fin de semaine, mais c'était juste du Super Smash Bros. Ouais. J'ai pogné de quoi. Je pensais à ce qu'il y avait d'autres choses, puis non, chaque fois que je passais, c'était toutes les TV étaient sur les mêmes jeux. C'est un classique, les gens, ben, ils veulent jouer à ça. C'est ça, c'est parce que s'il y a ça, c'est parce qu'il y avait une demande, ouais, et il y avait tout le temps du monde là. Ouais. Donc, ça en dit long sur... la popularité de tout ça. Exactement. Le coin où je me suis le plus tenu, c'est dans le haut fond à droite. OK. T'as pas pris les longitudinales et non, coin nord-est, non? Non, non. Quand tu rentrais dans la gigantesque salle, j'oriente de même. OK. C'est ça. Donc ça, donc c'était le coin du No Reset Speedrun, oui, Marathon. C'est de ça que tu nous as parlé surtout la semaine passée. C'est ça, exactement. Donc c'était pour la Fondation pour l'autisme. Et moi, directement en arrivant, après avoir visité un petit peu, ben j'étais allé m'asseoir là, regarder un petit peu. J'étais arrivé pendant un speedrun d'un joueur qui faisait Legend of Zelda Wind Waker. Mm-hmm. C'était Twilight Princess, je m'excuse. Bon, plus récent. Désolé. Donc c'est ça, puis il l'a fait en 3h30. Okay. Ce qui est, j'imagine, pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Okay. C'est vraiment pas beaucoup. C'est très long. Ouais, les Zelda en général, à part les premiers, mettons, c'est très, très, très, très long. C'est très long. En fait, je suis arrivé pendant le bloc Legend of Zelda. Okay. Ouais. Donc, ça a été jusqu'à en fin d'après-midi, ça a été juste des personnes qui ont présenté des jeux de Legend of Zelda. Mm. C'était vraiment bon. Ça va être le fun, ouais. C'était super. Donc, j'ai pu regarder ça. Donc, on m'a vu la face sur Twitch pas mal parce que j'étais directement où la caméra pointait pour la foule. Fait qu'on. C'est ça. Les reaction shots étaient magnifiques. Est-ce que tu faisais des « Ouh! » Oui, ah, oui. Puis maintenant, on me voit déguster mon grilled cheese. Génial! C'est cœur. Il y avait des grilled cheese à vendre. Oui, il y avait des grilled cheese à vendre. Bacon! pas de bacon. Non, non, juste... dommage. Non, mais au prix que c'était, c'était parfait. C'est ça. Et tu diffusais aussi sur ta chaîne Twitch? Oui, oui, j'ai décidé de hoster le No Reset Speedrun, le channel. Diffusion simultanée. C'est ça. Donc, les gens qui allaient sur ma chaîne pouvaient voir le marathon. Ouais. Donc ça c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont donné pour la fondation, donc je trouve ça très bien. Ouais. Les animateurs étaient excellents, il y avait une belle interaction, je trouvais qu'ils étaient très bien organisés. C'est sûr que quand c'est la première fois que tu fais ça, t'as quelques bugs techniques. Oui, des petits défauts une fois de temps en temps. Mais c'est ça, arrive, mais ouais. J'aimais ça parce que ça passait ni vu ni connu. Puis eux ils se prenaient des notes, puis on dit l'année prochaine on sait exactement comment arranger ça. Puis tu il n'y en avait pas de problème. C'est le fun, ça. Ouais. C'est ça. Petit fait cocasse, puisque je diffuse sur Twitch des jeux vidéo rétro, mm-hmm. Et ben, j'ai des gens qui viennent regarder ça. Et en même temps, ça m'amène aussi à aller voir d'autres Québécois qui diffusent des jeux vidéo rétro. Mm-hmm. Et ce qui était drôle, c'est que il y a un moment donné, quand je suis arrivé le matin, j'étais assis avec un de mes amis qui avait décidé de venir voir ça aussi avec moi. Et il y a un moment donné, il y a deux gars qui s'assoient en arrière de moi. Et là, ça fait une vingtaine de minutes qu'on est assis même puis on regarde le joueur jouer à The Legend of Zelda. Et à un moment donné, je me retourne pour regarder quelque chose et le gars en arrière de moi s'avance vers moi puis il me regarde. Là, je suis comme « Oui ». Puis là, il me dit « Ace Gamer Sam ». Là, je suis comme « Mais toi, t'es qui ah? ?» Mais c'est ça. Et c'est un autre gars que je regarde régulièrement sur Twitch. Tu le connaissais pas, mon stingra. Non, mais lui, il met pas de webcam. Ah, ok. Fait que lui pouvait me reconnaître parce que moi, je mets une webcam, mais lui, je savais pas à quoi il ressemblait. Et l'autre gars à côté, de dire « Oh, c'est toi, ça, je te regarde souvent aussi. » OK. Ah. Puis ça a fait ça tout l'après-midi. Il y a mané, une fille qui m'accroche, elle dit « Hey, elle dit, toi, Ace Gamer Sam? Hein? » Fille de Saint-Jérôme, là. Je dis « Oui. » Elle dit « Ah, je te regarde souvent sur Twitch. » Wow! Ça a créé des liens, ça. On s'est ramassé. Maintenant, t'as une gang de 8-9 en rond pour faire juste jaser puis échanger sur notre passion des jeux vidéo. C'était vraiment un beau moment. Et sûrement, on va voir l'année prochaine. Un autre ben, en fait, on a regardé ça parce qu'on a remarqué qu'on était tous des courailleux de Comic-Con, le Takuton, événement de jeux vidéo, toutes ces choses-là. Fait qu'on s'est dit, bon, ben parfait, fait qu'on se le dira d'avance, puis on se rejoindra quand on va aller faire ces événements-là ensemble. Le crew! Ben oui! Le crew! Le Twitch crew! Oh yeah! Non, ben écoute, c'est spécial, là. Ouais. Quand tu dis que ça fait des mois que t'as des gens, que c'est juste par leur nom de chat sur Twitch que tu t'interagis avec eux, puis soudainement, on est tous là en personne, puis c'est tout du monde génial. Mais des petites étiquettes de nom pourraient aider encore plus, sinon. Ben, effectivement. Un petit handle de Twitch sur votre chandail. Parce que j'ai su qu'il y en avait d'autres qui étaient là, que finalement, j'ai pas croisé. Ouais. Mais effectivement, il y en a un qui avait bien pensé à son affaire parce qu'il avait mis un gilet avec son nom. Lui, c'était du marketing branding. Ben oui, non, mais il le dit de même. Ouais. Mais au moins, on le reconnaît. C'est vrai. Puis mais ça fait un peu prétentieux. Ouais. Oh, hey, arrête. Fais un petit peu. Arrête un petit peu. Ah, comment. Il était beau son gilet. Il était beau. C'était un beau logo de Megaman en plus. Moi, c'est parfait. Ouais, ok. Ouais. C'est ça. C'est un petit peu plus subtil que ça, mon envie. Oh, ben là. Bon, chacun son genre. Ben oui, c'est ça. Mais non, mais c'est correct là, de financer ta chaîne par tes propres moyens. Puis c'est lui qui s'est payé ses gilets. Quand c'est rendu que c'est sa job, puis sûrement il fait ça comme gagne-pain. Non. Non? Non. Il y a personne qui est rendu là au Québec, hein. Je sais pas. Peut-être, oui, il y en a. Ouais. Oui, okay. Mais sont très rares. Ouais, c'est ça. C'est ça. Va venir, hein? Ouais. Il va en avoir plus une qui était là, c'est Stéphanie Harvey. Ben oui, tout le monde la connaît. Ben dans le domaine, tout le monde la connaît. Ben c'est ça, mais elle, c'est une fille de Montréal, puis elle a vie de ça. Ouais. Son travail, c'est de jouer à des jeux vidéo, puis de se perfectionner pour les tournois en ligne. Ouais. Donc, c'est ça. Bref, super de bel événement. C'était à la place Bonaventure. Très belle place pour organiser ça. Je vais y retourner l'année prochaine, c'est sûr et certain. J'ai vraiment aimé ça. On s'en reparlera. Ben, certainement. L'année ETS. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'y retourne l'année prochaine. L'année prochaine. Oh! Tu m'as battu sur celle-là. Oh! Bravo. Un point. On est 1-1. Pour l'émission d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que sinon je pense que c'est toi qui me bats. Dans l'histoire, même, ouais. Ouais, ouais, sûrement. C'est ça. Ouais. Donc, t'avais un autre sujet pour nous aujourd'hui. Oui, Pokémon. Pokémon. C'est pour ça qu'on écoute la trame sonore de Pokémon X et Y en fond sonore. Ouais. Excellent. En plus, c'est la belle chanson de bataille. C'est là. Ouais. Qu'on a rendu. Ouais. C'est ça. Donc, ça a été annoncé il n'y a pas longtemps, la prochaine génération de Pokémon qui s'en vient. Mm-hmm. Donc, les gens ont longtemps spéculé sur qu'est-ce qui pouvait s'en venir. Les gens pensaient qu'on allait avoir Pokémon Z, après ouais. X, Y. Parce qu'il y a tout le temps deux versions qui sortent en même temps et une troisième qui sort avec des choses améliorées ou une histoire un peu différente. Ouais. Donc, on a toujours ça comme Pearl Diamond et Platinum. On a eu des saisons aussi, des couleurs. Ouais. Ben, il y a eu rouge, là. Bleu, parce qu'il y a eu jaune. Ouais. Il y a eu Gold, Silver. Maintenant, on a sorti Cristal, Ruby, Saphir, Emerald. Il y a tout le temps eu le trio. Ouais. Puis là, depuis Black and White, on a sorti Black and White 2. Au lieu de faire un... On pensait que ça allait être gris, là. Ouais. Non, on a fait à la place Black and White 2. Là, après ça, on sort X et Y. Les gens ont dit, ben, on va avoir Z à un moment donné. Non, on passe déjà à la prochaine génération. Innove. Ben, ça fait différent. Ouais, ça fait différent. Donc, c'est ça. Évidemment, c'est encore au stade de rumeur. Il y a beaucoup de gens qui essaient de sortir de l'information. Nintendo est très, très prudent. Game Freak aussi. Donc, on veut rien laisser couler. Game Freak, c'est la compagnie qui est derrière Pokémon? Oui, c'est ça. Je savais pas le Oui, c'est ça. Mais oui, c'est Game Freak depuis les années 90 avec Pokémon. Donc, c'est ça. Faites attention. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Pas tout vrai. Hein. Que c'est pas vrai. Ouais. OK? Non, c'est pas vrai qu'on commence à avoir des Pokémon qui leakent. OK? Donc, si vous voyez passer des Pokémon, posez-vous des questions. Il y en a un qui est sorti. C'est un Pokémon Fairy Steel. Okay. Donc, Fée Acier, si je veux avec les termes du jeu en français. Et c'est le seul qui a été annoncé parce qu'il va être dans le prochain film. OK. OK? Donc, c'est pour ça. Donc, lui, ils l'ont déjà sorti. Ça amène le compte à 722 Pokémon. C'est combien de temps qu'on n'a pas eu de film de Pokémon? Ça fait pas longtemps. Il en sort un par année. Ah, je savais pas. Okay. Ouais, un par saison. Et puis une saison par année. Ouais. Donc là, on est rendu au film, 19? OK. En tout cas, il faudrait que je vérifie. Là, ouais. J'attends tout le temps que... Parce que dans le fond, il y a 3 ou 4 saisons par génération. OK. Puis au lieu d'attendre, au lieu d'écouter saison par saison, j'écoute génération par génération. Ouais, tu t'éclenches, là. Fait que des fois, je suis 3-4 ans... Avant de me remettre à jour. J'aime ça, moi aussi. Non, je trouve ça correct. Ouais. Tu sais, c'est pour ça. J'attends que la génération complète soit finie avant de les écouter. Du binge-watching. C'est ça. Ouais. Alors qu'il y en a qui attendent que la saison soit finie. Mais Pokémon, j'attends un peu plus que ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que des fois, je perds le compte un peu du nombre de saisons puis du nombre de films. Mm-hmm. Mais je retombe à jour assez vite, d'habitude. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on s'attend au mois de mai à avoir les premières annonces officielles de la compagnie. Normalement, qu'est-ce qu'ils nous diraient, c'est qu'ils devraient nous sortir les 2 pochettes de l'album avec les 2 Pokémon légendaires. Ça, c'est sûr. Ça, c'est les Pokémon de départ. Là, je connais rien. Les légendaires, c'est tu sais, comme exemple, quand ils ont sorti Gold puis Silver, ouais. Ben, sur une pochette de Gold, t'avais Ho-Oh, puis sur la pochette de Silver, t'avais Lugia. Okay. C'est les 2 Pokémon légendaires, les 2 plus difficiles à attraper, si on veut. Là, c'est ça, C'est ça, les légendaires que t'as une fois dans le jeu puis qui font partie de l'histoire. Un peu le but du jeu, là, en fond, c'est d'attraper quelque chose de difficile. C'est ça, okay. Exactement. Ouais. Donc là, les légendaires, souvent, c'est ceux qui se ramassent sur la pochette de l'album. Ouais. Et c'est comme ça que c'est ça qu'on veut annoncer. Donc, on sans savoir exactement, on va au moins savoir ils ont l'air de quoi. Ça ressemble aux pochettes de jeux de sport. Oui, avec hein? La vedette légendaire. Ouais, c'est ça, exactement. Ce qui a coulé comme information, c'est que Nintendo semble avoir réservé 2 noms. On a Sol Galeo. Okay. OK, donc pour Pokémon Sun, avec Sol, et Lunala pour Pokémon Moon. La lune, ouais. OK, donc c'est 2 noms qui semblent avoir été réservés. Est-ce que c'est les noms japonais? Est-ce que c'est juste des codes puis c'est pas le nom officiel? Ouais. Est-ce que c'est juste un site qui essaie de s'avancer un peu trop sur quelque chose? Je le sais pas. Quand tu parles de réserver, c'est qu'ils ont déposé un brevet dessus. C'est ça. Donc, s'ils ont payé pour faire ça, sûrement que ça va servir à quelque chose. J'imagine. Ouais. Donc, c'est ça, 2 new trademarks. Ouais, 2 nouvelles marques de commerce. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on a annoncé c'est ce qui commence à couler sur des sites. Puis, quand il y a plusieurs sites qui reprennent l'information, c'est là que je me permets d'en parler. Tout à fait. OK. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des Pokémon de départ, c'est tout le temps ce que les gens attendent le plus. D'habitude, c'est annoncé assez vite. Donc, il y a tout le temps 3 Pokémon de départ. Donc, Herbe, Eau ou Feu. OK, on choisit dans ces 3-là. Et d'habitude, sont très rapides pour nous les montrer, ces Pokémon-là. Parce que c'est souvent qu'est-ce qui va accrocher les joueurs. Ce qui va vendre le jeu dès le départ. Mais oui, parce que c'est ton choix initial quand tu joues. Tu commences, tu dois choisir un des 3. Donc, si tu veux bien attirer ta clientèle, c'est faut que tu montes ça en premier. Ouais. T'as pas le choix. Et ils ont toujours fait ça, puis ça a bien fonctionné. Mm. Donc, on s'attend au mois de mai à avoir quelque chose. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a l'application Pokémon Go. Ouais. OK? Sur notre téléphone, on va pouvoir avoir bientôt, dans lequel on va pouvoir jouer avec... à Pokémon dans la vraie vie. Donc, visiter des lieux pour capturer des Pokémon et s'en occuper. Ça va être expliqué sûrement plus en détail bientôt. Comment t'as Tamagotchi nouveau genre. C'est ça, exactement. Ouais. Et là, il semble dire que ça pourrait plus être ça au mois de mai. Okay. Et pas nécessairement Pokémon Sun and Moon. Ce qui viendrait plus tard, peut-être genre aux fêtes ou à l'automne. C'est ça. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a comme beaucoup d'incertitudes qui planent. Est-ce qu'on va faire les deux en même temps et annoncer que Pokémon Go et Pokémon Sun and Moon vont fonctionner ensemble d'une certaine façon? Mm-hmm. Est-ce qu'on va pouvoir interagir entre l'application et les nouveaux jeux? Il y a ça aussi qui circule comme information et ça pourrait être une possibilité. Tant qu'à se lancer dans quelque chose, ben autant y aller que la totale. Donc ça aussi, c'est intéressant de ce côté-là. Pokémon Go, c'est encore très mystérieux. Il n'y a pas d'informations qui filtrent. On a déjà des idées, ça pourrait ressembler à quoi, mais sans plus, on ne sait pas trop la direction finale que ça va prendre. Mmh. C'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. C'est mystérieux. Ça fait beaucoup jaser les fans, on s'entend, moi inclus là-dedans. Donc, c'est ils vont ça, faire de l'argent sur les précommandes, je pense, avec ça. Non, moi, je tombe plus non? dans le piège des non, précommandes. Hein, non, ça. Depuis que je sais qu'est-ce qu'ils font avec l'argent des précommandes. Ouais. Là, est-ce que tu nous racontes en nom ce qu'ils font avec les précommandes? Oui, ça me fait plaisir. Dans le fond, un magasin qui fait des précommandes... Une boutique avec... Ouais, entre autres. Mettons. Hein? Hein? Ah, c'est utile. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font des précommandes, mais ils n'ont pas à payer la compagnie qui envoie le jeu mm-hmm. tant que le jeu n'est pas sorti ouais. pour en recevoir. Donc, quand vous faites une précommande, ce que la compagnie fait, c'est qu'ils s'y mettent de l'argent dans les poches alors qu'ils n'ont même pas encore payé la compagnie qui va leur envoyer les jeux. Ouais. Et cet argent-là, ils peuvent la faire travailler. Pour récolter faire des économies dessus avec un pourcentage d'intérêt, etc. C'est ça. Okay. Et selon l'argent qu'ils font et... à quel point ils commencent tôt l'après-vente dépend de la popularité du jeu. Sérieusement, ils peuvent faire une fortune avec ça. Puis au final, qu'est-ce que t'as? Macaron. T'as une copie du jeu quand il sort. Ouais. Une petite figurine, ça ouais. arrive. Puis souvent, moi, j'arrive une semaine après, puis ils en ont reçu d'autres, puis je l'achète. Il y en a plein encore. Il y a plein de jeux qui méritent pas une précommande parce que c'est pas des gros vendeurs. T'sais. Ça va se vendre, mais ils vont en avoir une tonne de copies. C'est ça. Donc, moi, j'ai de la misère avec le principe des précommandes. Ouais. Je trouve que c'est une façon pour les... C'est sûr qu'en même temps, c'est comme un peu une bataille un peu avec les concurrents sur qui fait le plus ou tu veux savoir combien qu'on commande de jeux ouais. pour pas te faire avoir. Il y a toute cette question-là, mais je trouve quand même que c'est pas bien fait. Non, absolument pas. Mais tu sais, j'apprécie le fait quand même que tu payes pas plus cher en tant que tel. Dans le fond, tu vas mettre ton argent, il est déjà payé. Quand tu y retournes, tu n'auras pas à dépenser d'autre argent. C'est comme de l'argent du passé, fait que tu t'en fous un peu. C'est ça. Puis j'aime le petit bonus que tu as. Des fois, c'est vraiment cheap là, quand c'est une pin genre macaron, une affaire de même. Je trouve ça vraiment poche. Mais des fois, ça m'est déjà arrivé de réserver des jeux pour avoir une petite figurine ou quelque chose comme ça. Ben, c'est correct. Ouais. C'est correct de le faire. Je dis juste que le système. Et louche un peu quand on parle de qu'est-ce que la compagnie fait avec l'argent en attendant de vraiment passer sa commande de jeu. Comme dit Donald Trump, the system is rigged. Ooh. It's outrageous. Ouais. Mathieu cite Donald Trump. Ouais, c'est ça. Mais il dit que le système est vraiment. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Lui aussi, il écroche des fois un peu. Il croche pas mal. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, c'est le prochain président des États-Unis. Fait qu'on va s'habituer. À fait Trump. Ouh. Donc, on était sur Pokémon avant d'embarquer sur cette parenthèse. Oui, c'est ça. Puis, je suis pas sûr que Donald Trump joue à Pokémon, fait qu'on peut le laisser de côté. C'est ça. Quoi qu'il pourrait nous surprendre. Quoi, qu'est-ce que sa tête pourrait ressembler à Pokémon dans le futur? Il pourrait sortir un Pokémon Donald Trump's hair. Ouh. Ouais. Pensez-y. Ben là, on a un Pokémon poubelle, on peut avoir un Pokémon Trump. Oh! Oh yeah! Trump and dump! Trump and dump! Là, les gens vont dire, c'est parce qu'il défait tout le temps Trump dans son émission. Ouais, qu'est-ce ça. Qu'il fait là? On est à quelle émission en ce moment? Hey! Hey, j'ai le droit de dire ce que je veux. Écoutez, Génial Liberté, les jeux du matin, vous allez comprendre. C'est ça, exactement. Une chose à la fois. Donc, Pokémon. C'est ça, donc Pokémon. Donc, c'est sûr que ça laisse beaucoup de place pour des annonces. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Honnêtement, ils sont mieux de pas nous laisser tomber pour ce qui est de Pokémon Go. Ouais. Ils ont tellement créé de hype avec ça, ils peuvent pas se tromper. Ils ont pas le droit. Pour ce qui est de la dernière rumeur qui circule, mais quand je dis rumeur, c'est vraiment rumeur, là, mais... je parlais de Gold et Silver tantôt avec Ho-Oh et Lugia. Oui. Ben, y en a qui pensent que Sun and Moon, ce serait pour faire référence à un méga Ho-Oh et un méga Lugia. OK. OK. Ça reste les fans qui spéculent. Ce que je trouve bien, si ça vous tente de faire ça, allez sur YouTube et cherchez les vidéos. Cherchez-en des bons. Là. Y en a qui font n'importe quoi, mais y en a des bons bien cotés. Là. Les gens qui présentent leurs souhaits pour les prochains jeux de Pokémon. OK. Et. Je trouve ça un peu spécial, mais on dirait que Game Freak est à l'écoute de ses fans. Et très souvent, je remarque qu'il y a des demandes spéciales de fans qui se matérialisent sous une certaine forme dans les jeux quand ça sort. S'ils veulent vendre, s'ils veulent faire de l'argent, il faut bien qu'ils écoutent leurs fans, c'est eux qui payent. Mais il y en a combien qui font pas ça? C'est vrai. Dans X et Y, là, ils ont fait du fan service à côté. Ouais. Là. J'ai vraiment été surpris de voir le nombre de choses... qui ont mis dans le jeu pour satisfaire des fans des vieilles générations puis de ceux qui voulaient quelque chose de nouveau. Des fois, je suis surpris. Puis allez voir ça, des fois, ça va vous craquer un peu. Vous allez espérer. Bon, ça peut amener de la déception si vous l'avez pas. Des faux espoirs. C'est ça. Mais en même temps aussi, si la compagnie décide de le faire pour de vrai, ça peut tellement vous amener de joie. Là. Ouais. C'est incroyable. Donc, allez voir ça. Puis restez au courant pour les jeux. On sait pas encore s'ils vont garder le même format traditionnel de tous les jeux précédents. Est-ce qu'ils vont aller dans une autre direction? Ça reste à voir. Donc, on se tient au courant. Mois de mai, ça semble être un moment butoir pour nous faire plus d'annonces là-dessus. Ouais. Donc ça, fait que peut-être que dans une future chronique, j'aurai plus de trucs à vous raconter, parce qu'on s'entend, Pokémon, c'est une franchise qui traverse l'histoire et qui est encore très populaire. Ça n'arrivera jamais. C'est ça. Ouais. Donc les chances que j'en reparle sont assez élevées. On espère. Sinon, tu nous fais des faux espoirs, c'est pas ton genre. Non, d'habitude, c'est pas mon genre. Non. Non. C'est un gars qui tient sa parole. Oui. Voilà. Samuel Gérard, on te retrouve à Génie en Liberté, comme on a dit tantôt, les jeudis matin à 9h30. Oui. Alors, on rappelle les samedis matin. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Cette semaine, en fait, ça va être beaucoup au niveau des scandales de la radio. Ah. Ouais, oui. On va avoir ça. Oui. Il s'en passe des choses en ce moment. On va avoir ça. Ouais. Ça brasse en politique. Ça brasse sur les réglementations supplémentaires de l'État. Donc, il y a toutes sortes de sujets qu'on aime aborder. Donc, ça va venir autour de tout ça. Il y a encore eu des résultats pour la politique américaine. Mm-hmm. Donc, on va avoir sûrement un segment de Steph sur la politique américaine. Ouais. Elle est très bonne de faire ça. Hillary, hier soir. Oui, c'est ça. Et Donald Trump. Et Donald Trump, exactement. Donc, ben, ça, on s'y attend. Ben, ouais, c'est ça. Okay. Donc, c'est sûr que les discussions vont tourner autour de ça. Quand c'est rendu que Ted Cruz est en troisième place à New York, là. Yeah. Derrière John Casey. Bref, j'ai la liberté jeudi matin 9h30, on rappelle les ça samedis pas, n'est à pas 10h. Pas la chronique avec nous autres. Je suis ça beaucoup plus que je devrais. Ah. Donc, comme je disais, on rappelle jeudi à 10h. Samedi, pardon, à 10h. Oui. Safe.ca pour la programmation complète. On se retrouve aussi à Matière Noire les mardis soirs à partir de 21h. Génie, notre génie en chef. Oui, Samuel oui. Girard, merci encore. Ça fait plaisir. On écoute la fin de cette chanson de Pokémon X and Y. Où sommes-nous rendus dans la chanson? 23 minutes 7, qu'est-ce que ça veut dire? Et que les gens marquent mal leurs affaires en bas de l'affaire. Donc, c'est Gym Leader Battle Theme. On écoute ça jusqu'à la pause et au retour, ce sera Television. Restez là. I do. Laughing Turkeys, Doom Doo, sur le maxi Laughing Turkeys, par Captive Portal. Laughing Turkeys, les petites dames qui rient. C'est pas mal ça, cette chanson-là. Une des plus étranges que j'ai jamais entendues. Toujours Mathieu Plante Show maintenant. C'est le moment de parler de télévision. Voici Television, Television. C'est Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de télévision, bien sûr, depuis les 7 derniers jours. On commence par le Québec avec la fermeture du canal Argent et le départ de deux journalistes vedettes chez QMI. Donc, l'article de la presse, deux gros noms ont été emportés par la dernière vague de licenciements à l'agence QMI. Les départs de Andrew McIntosh et de Michel Morin ont été annoncés aux journalistes du module d'enquête cette semaine. Monsieur McIntosh est un spécialiste de l'enquête journalistique. Pas plus tard que avant-hier, je crois que c'était avant-hier, l'article date du 19 avril. Oui, c'est ça, qu'il a publié un article sur l'achat de copropriété au centre-ville de Montréal par des investisseurs d'origine chinoise. Il travaillait de Seattle. Quant à Michel Morin, il a longtemps travaillé à Radio-Canada où ses reportages sur le mouvement Desjardins et Hydro-Québec ont marqué les esprits. Cette nouvelle s'ajoute à deux autres coups durs qui ont frappé les journalistes de Québécois récemment. D'abord, au bureau de la rue Notre-Dame de l'agence QMI à Montréal, au moins 5 personnes ont été remerciées. On parle de journalistes pupitreurs, d'un chef de pupitre, d'un journaliste au fait divers qui travaillait à temps partiel. Les chefs de pupitre restants ont été rétrogradés au poste de pupitreur. Il reste 3 journalistes pupitreurs, mais l'un d'entre eux tombera à temps partiel. Avant les coupes, l'agence QMI comptait de 15 à 16 personnes. Créée en 2008, l'agence QMI nourrit des clients internes de Québec comme de Québécois, pardon, comme le Journal de Montréal, le Journal de Québec, le réseau TVA, LCN et le Journal 24 heures. L'agence QMI connaît une décroissance accélérée depuis la vente de Sun Media à Post Media. En janvier 2015, l'agence avait d'ailleurs coupé 4 postes pour cette raison. Je cite, l'agence a revu sa structure organisationnelle puisque nous devions ajuster l'offre de service aux besoins. Annoncée à l'automne 2014 et conclue en mars 2015, la transaction de 316 millions comprend 175 journaux, dont les quotidiens de la bannière Sun, incluant le Ottawa Sun et le Toronto Sun, les quotidiens 24 Hours de Toronto et de Vancouver et des journaux locaux ainsi que des guides d'achat et publications spécialisées détenues par la filiale Sun Media, acquise par Québécois en 1999. Le groupe TVA a aussi annoncé la fermeture de sa chaîne d'information économique financière à Canal Argent le 30 avril 2016, donc prochain. Le poste aurait été en ondes plus de 11 ans. Le canal d'information économique et financière ne faisait pas ses frais depuis 2012. Selon les chiffres consignés au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, nos amis du CRTC, Argent a perdu 750 000 en 2014, dernière année pour laquelle les données sont disponibles. La station est déficitaire depuis 2012. Aujourd'hui, la chaîne compte 440 000 abonnés au Québec, en forte baisse comparativement en 2011, où elle rejoignait près de 1 million d'abonnés au Canada. Ses revenus totaux s'élevaient à 2,4 millions en 2014. Évidemment, le nombre d'abonnés ne veut pas dire le nombre de téléspectateurs qui devaient être dans les dizaines ou centaines, à mon avis. Surtout depuis des années où ils diffusaient que des reprises de leurs bulletins de nouvelles de 15 minutes en boucle. Même que pendant un bout de temps, je me rappelle très bien de l'époque où le Canal Argent diffusait des émissions dramatiques américaines comme des reprises de Dallas, absolument pas sur une chaîne de finances. C'est un peu ridicule. Je cite un des éléments expliquant la baisse d'abonnés après 2011, c'est certainement une conséquence des décisions de commercialisation des frais des télédistributeurs, selon la chaîne Argent. Par ailleurs, la décision du 1er mars 2016 permettant aux abonnés de choisir les postes à la carte plutôt que dans un forfait a clairement affecté la chaîne, dit-elle. J'ai vu des articles disant le contraire, mais bon, qui dit vrai? La station compte 9 employés permanents. Ils seront réaffectés ailleurs dans le groupe, ce qui aura des répercussions sur les employés temporaires qui, eux, vont perdre leur emploi. Donc, c'est le DG de la station, Yves Daou, qui va continuer de superviser la marque Argent sur les autres plateformes. Donc, la marque Argent, en tant que telle, va continuer. Entre autres, je sais qu'il présentait des pages dans le Journal de Montréal. Les pages financières étaient sous la marque de Argent. Malgré la fermeture de la chaîne, la marque Argent donc, restera présente sur les autres plateformes du groupe TVA. J'imagine en chronique sur LCN et peut-être même à TVA. En tant que telle, ça ne changera absolument pas grand-chose dans le paysage télévisuel parce que, comme je disais, c'était des reprises, c'était des petites émissions de 15 minutes qui jouaient en boucle. Ça ne servait plus à grand-chose, la chaîne Argent, depuis des années, en fait. Au début, ça allait bien, c'était en direct super longtemps pendant la journée, mais ça avait pas mal tombé à l'oubli, aux oubliettes. Une autre chaîne qui n'est pas tellement regardée, c'est la chaîne Avis de recherche qui demande l'aide de Mélanie Joly. La chaîne de télé consacrée à la prévention du crime soutient que ses jours sont comptés et lance un appel de détresse à la ministre fédérale du patrimoine. La direction de la chaîne Avis de recherche TV, qu'on appelle aussi ADR TV, a indiqué qu'elle n'atteindrait pas le mois de mai sans l'intervention de la ministre Mélanie Joly. Le CRTC avait retiré à Avis de recherche en août 2013 son statut de distribution obligatoire qui lui permettait jusque-là de faire partie du service de distribution de base. Le CRTC avait alors déterminé qu'il convenait d'éliminer cette exigence de distribution obligatoire de façon progressive au cours des deux prochaines années de radiodiffusion, donc jusqu'au 31 août 2015, afin de donner le temps au titulaire d'ajuster son plan d'affaires en conséquence. ADRTV avait ensuite demandé au CRTC de revenir sur sa décision en vain. Le président d'ADRTV, Vincent Giracitano, demande maintenant à la ministre responsable d'intervenir et de renverser la décision du CRTC. Monsieur Giracitano soutient que les distributeurs Bell et Vidéotron ne diffuseront plus cette chaîne à moins qu'ils ne soient contraints par le CRTC. Pourtant, selon lui, ADRTV a reçu des centaines de messages d'appui et certains intervenants auraient même demandé que la chaîne diffuse ailleurs au pays. En tant que tel, c'est sûr que la mission d'ADR est super noble. D'aider à trouver des personnes disparues, de trouver des gens qui sont coupables de crimes. Donc en tant que tel, ça devrait probablement être un service. Si on peut distribuer, c'est quoi? Qu'est-ce qui est obligatoire à PTN pour les aborigènes ou les comment t'appelles ça? Le nom en tant que tel, je me rappelle pas. Donc peut-être que ça serait quelque chose à voir. Marie-France Bazot est de retour à Radio-Canada. Un an après avoir quitté Radio-Canada, Marie-France Bazot renoue avec son employeur de longue date. La flamboyante animatrice et productrice prépare depuis quelques mois une série documentaire qui devrait être diffusée sur le site de Première Plus l'automne prochain, nous dit La Presse. Patricia Plechenka, directrice générale de la radio de Radio-Canada, n'a pas caché sa joie à l'idée de retrouver son ancienne tête d'affiche. Je cite « Pour nous, ce qui est important dans ce projet, c'est la présence de Marie-France ». Madame Plechenka a toutefois refusé de confirmer la nature du rôle de Marie-France Bazot. Est-ce qu'il se limitera à celui d'une productrice ou animera-t-elle également cette série? Elle n'a pas voulu non plus parler du contenu de l'émission. Plusieurs sources ont toutefois révélé à La Presse qu'il s'agirait d'une série de 5 émissions qui porterait sur les nouveaux arrivants. Pour le moment, on envisage une diffusion sur le site web de Première Plus, mais Madame Plechenka n'écarte pas la possibilité de diffuser l'émission à la chaîne Première. Lancée il y a quelques mois, Première Plus offre la plupart des émissions de ICI Radio-Canada Première en balado-diffusion ainsi que du contenu original. Des émissions animées par Penelope McQuaid, Pierre Brassard et Patrick Masbourian sont offertes en exclusivité sur le site. Radio-Canada mise sur ce contenu pour attirer les visiteurs. S'ils sont monnaie courante à la télé, les projets de co-production à la radio de Radio-Canada sont plutôt rares. L'élaboration de projets avec Bazot Productions court sur les lèvres depuis quelques jours à Radio-Canada et ne manque pas de susciter inquiétudes et interrogations. Plusieurs personnes à qui La Presse a parlé se sont dites préoccupées par la présence d'une maison de production externe à la radio publique. Madame Plechenka évite d'utiliser le terme coproduction en entrevue. Elle a expliqué que Radio-Canada fait souvent appel à des pigistes. Elle a insisté sur le fait que le réalisateur de la série qui sera produite avec Bazot Productions est un employé de Radio-Canada. Joanne Aymon, présidente du syndicat des communications de Radio-Canada, a été surprise d'apprendre cette nouvelle. Elle s'est empressée de préciser que des projets de coproduction peuvent se faire à la radio pourvu qu'ils se réalisent dans un contexte où il n'y a pas de perte d'emploi. Or, selon Mme Aymon, ce n'est pas tout à fait le cas. Elle dit, je cite, « C'est sûr que nous allons regarder ça de très près, mais le problème, c'est que la société ne nous met pas au courant de ces projets. Nous devons réagir une fois que ceux-ci sont faits. » Marie-France Bazot n'a pas donné suite aux deux demandes d'entrevue faites récemment à son adjointe. Il s'agit donc d'un retour à Radio-Canada pour Marie-France Bazot depuis son départ de l'émission « C'est pas trop tôt » au printemps dernier. Après deux saisons à la barre de l'émission matinale, elle avait quitté la grande tour du boulevard René Lévesque pour se consacrer aux différents projets de sa boîte de production, Bazot Productions. La relation entre Marie-France Bazot et Radio-Canada remonte aux années 80. Elle a fait ses débuts en 85 en co-animant Plaisir avec Pierre Bourgault. On l'a ensuite retrouvée à Dazzy Bazot et Quoi encore et VSD Bonjour. De 95 à 2006, elle a animé le magazine de société à indicatif présent. Elle a ensuite quitté Radio-Canada une première fois pour contribuer quotidiennement à l'émission de Paul Arcand au 98.5. Et il y a quelques semaines, on se rappelle que Marie-France Bazot a annoncé qu'elle devait mettre terme à la production de Bazot.tv à cause d'une nouvelle interprétation des règles d'admissibilité au crédit d'impôt du fédéral. Après 10 ans à la barre de l'émission, Marie-France Bazot a annoncé que la présente saison serait sa dernière. Maintenant, on passe au Canada anglais. En fait, on reste au Québec, mais on va au Canada anglais par la bande parce que VRAC TV va diffuser les iHeart Radio Much Music Video Awards. Oui, sur VRAC le dimanche 19 juin, en même temps que le Canada anglais. Donc, pour la première fois, la chaîne diffusera en direct le gala musical canadien qui récompense et rassemble des artistes d'ici et d'ailleurs. Les stars ont déjà confirmé leur présence. Pour une deuxième année consécutive, c'est Nick Jonas qui va faire une performance lors de la cérémonie. Le duo hip-hop Macklemore et Ryan Lewis et la compositrice-interprète Alessia Cara seront également de l'édition 2016. Le gala va être sous-titré pour les téléspectateurs de VRAC et diffusé en simultané sur Much et sur CTV. C'est un nouveau nom au Canada qui s'amène derrière le titre. En fait, ça va s'appeler les iHeart Radio Much Music Video Awards. iHeart Radio, qui est une web radio fondée en avril 2008. Une propriété de Clear Channel Communications, elle est à la fois un système de recommandation et une station de radio en ligne qui compile du contenu provenant des 850 stations de radio possédées par iHeartMedia, qui était anciennement donc Clear Channel Communications, ainsi que des centaines d'autres. iHeartRadio est disponible par le biais de navigateurs Internet sur téléphone portable ainsi que sur certaines consoles de jeux vidéo. Et maintenant, Bell est partenaire avec cette marque au Canada. Canada anglais toujours, en fait Canada en général, plus de 66 000 nouveaux abonnés au forfait de base offert depuis quelques mois. Des dizaines de milliers de Canadiens se sont abonnés au nouveau forfait de télévision de base selon le CRTC, qui précise que plus de 66 000 consommateurs donc, se sont abonnés en 5 semaines, soit depuis que les fournisseurs canadiens de services de télévision titulaires d'une licence sont dans l'obligation de l'offrir. Par ailleurs, plus d'un de ces Canadiens sur trois a aussi profité des nouvelles options en s'abonnant à des canaux individuellement, à de petits forfaits ou aux deux. Les fournisseurs de services dont Bell, Rogers, Shaw et Cogeco ont commencé à offrir les nouveaux forfaits le 1er mars en vertu de nouvelles règles imposant une limite de 25$ par mois pour le forfait de base. Le CRTC oblige par ailleurs les fournisseurs à offrir des chaînes à la carte ou encore de petits forfaits d'au plus de 10 chaînes. Certains consommateurs se sont plaints de ces nouveaux forfaits, certains les qualifiant même d'arnaque parce que les fournisseurs de services ont retiré du même coup certains de leurs rabais pourtant offerts avec les options plus coûteuses. Plusieurs fournisseurs ajoutent par ailleurs des frais de branchement, par exemple, en plus des 25$ mensuels, alors qu'ils ne les font pas payer aux consommateurs, optant pour des forfaits plus dispendieux et en gros plus avantageux. Une poignée de fournisseurs incluent les chaînes généralistes américaines dans leur forfait de base, tandis que d'autres ne le font pas. Le CRTC a indiqué que les données d'abonnement lui avaient été transmises par les fournisseurs, qui incluent également Access Communications, Eastlink, MTS, SaskTy, TELUS et Vidéotron. Les fournisseurs de services de télévision seront tenus d'offrir des canaux individuellement à partir du 1er décembre 2016. Maintenant, on va aux États-Unis. Fahrenheit 451 est adapté par HBO à la télé. HBO prépare donc un téléfilm basé sur Fahrenheit 451, indique The Wrap, publié en 53 en plein McCarthyisme. Ce classique de science-fiction de Ray Bradbury propose une vision effrayante du futur. Dans une société oppressante où la littérature est bannie, Guy Montag est un pompier chargé de brûler des livres. Il devient un dangereux criminel le jour où il rencontre une jeune femme et décide de lire. Le roman dystopique sera adapté par Ramin Barani, qui se chargera de l'écriture et de la réalisation du téléfilm. L'Américain d'origine iranienne s'est fait remarquer ces dernières années avec son film 99 Homes, Grand Prix du Festival du cinéma américain de Deauville en 2015. Fahrenheit 451 a déjà été adapté au cinéma en 1966 par François Truffaut. Spike TV, maintenant commande 10 épisodes de The Mist. Spike TV n'a même pas attendu de voir le pilote de la série fantastique The Mist, inspiré du roman Brume de Stephen King, avant d'en commander une saison complète. 10 épisodes d'une durée d'une heure chacun sont donc actuellement en cours de production chez chez The Dimension Television de The Weinstein Company. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. La nouvelle parue en 85 a déjà été adaptée sur grand écran en 2007 par Frank Darabont, réalisateur de deux autres films tirés de romans écrits par Stephen King, Les Évadés, ça faisait très Trois-Rivières, ça. Et La Ligne Verte. The Mist est un huis clos, donc l'histoire se déroule dans un supermarché d'une petite ville du Maine. Plusieurs dizaines de personnes se sont réfugiées. Elles se sont arbitrées pour tenter d'échapper à d'étranges monstres apparus au cœur d'un brouillard inexpliqué. Oui, The Mist sera diffusé à Spike TV en 2017. Ensuite, 20 ans après sa disparition de HBO, Les Contes de la Crypte, l'anthologie mêlant fantastique et horreur, reviendra à la télé en 2017 avec l'aide du réalisateur M. Night Shyamalan à annoncer son nouveau diffuseur, la chaîne câblée TNT. Évoqué depuis de nombreuses années, le retour du programme culte des années 90 se fera l'année prochaine sous la houlette d'un metteur en scène qui maîtrise suspense et épouvante, M. Night Shyamalan. Un nouveau gardien de la crypte, squelette effrayant devenu célèbre pour son humour noir, introduira les 10 épisodes commandés. La collaboration entre Shyamalan et TNT ne s'arrête pas là, puisque la chaîne a également donné son feu vert pour le pilote de Time of Death, anthologie d'horreur qui se déroulera en temps réel. Le réalisateur développe par ailleurs une troisième série dans un style similaire, Creatures, un thriller psychologique. 2 saisons pour le retour de Twin Peaks. D'après les informations d'un site internet spécialisé, Twin Peaks reviendrait sur le petit écran pour au moins 2 saisons supplémentaires. Pour l'instant, seulement 9 épisodes ont officiellement été commandés par Showtime pour cette troisième saison de la série. Débuté en 1990, certaines rumeurs font cependant état de beaucoup plus d'épisodes. Depuis son officialisation en 2014, le retour de la série culte entretient le suspense. Aucune information sur le scénario de la nouvelle intrigue n'a été dévoilée. Seule indication donnée par Showtime, les nouveaux épisodes se dérouleront bien 25 ans après les premiers événements. L'agent du FBI Dale Cooper sera de retour, toujours incarné par Kyle MacLachlan, qu'on connaît pour Beauté désespérée, entre autres. Ce dernier sera entouré de nouvelles recrues, parmi lesquelles Naomi Watts de King Kong, Laura Dern du Parc Jurassique, Amanda Seyfried de Mamma Mia, Robert Knepper de Prison Break ou encore Jennifer Jason Leigh des 8 enragés. Certains acteurs historiques devraient eux aussi être de la partie, notamment Sherilyn Fenn, Miguel Ferrer et Cheryl Lee. Le tournage de ces nouveaux épisodes s'est fait d'un seul bloc qui ne sera découpé qu'au moment du montage. Twin Peaks sera diffusé en 2017 sur Showtime. Stanakatic Kit Castle après 8 saisons. Oui, Stanakatic, l'actrice qui incarnait la détective Kate Beckett, ne sera pas présente au générique de la 9e saison de la série policière Castle. Des contraintes budgétaires sont à l'origine de son départ, d'après les informations du site Deadline. Je cite, Kate Beckett a été un personnage très apprécié pendant 8 ans dans notre série à succès Castle. Nous sommes reconnaissants envers Stanakatic pour son talent et son application et nous espérons continuer à travailler avec elle à l'avenir, a déclaré un porte-parole de la chaîne. Tamara Jones, qui jouait le médecin légiste Lanny Parrish depuis la première saison, a elle aussi été évincée. Nathan Fillion, qui interprète Rick Castle, le romancier qui suit de près les enquêtes, serait toujours en négociation pour revenir dans une saison 9, raccourcie et composée de seulement 13 épisodes. La série n'a toujours pas été officiellement renouvelée par la chaîne ABC. 2 fins différentes ont d'ailleurs été tournées pour la saison 8 en prévision du possible arrêt de Castle. On a hâte de voir ce qui va s'en venir avec ça. Là, c'est déjà arrivé des séries qui continuaient malgré le départ d'une des vedettes, mais souvent c'est la dernière saison quand ça arrive. Hein. L'équipe, la distribution de Animaniacs qui se réunit pour performer des chansons de l'émission. Hein, donc, la distribution vocale du dessin animé des années 90, Animaniacs, prévoit ramener les éléments les plus aimés, donc les numéros musicaux, dans une tournée qui devrait commencer cette année selon le New York Times. La tournée mettra en vedette les trois acteurs qui étaient les voix des frères et sœurs Warner. Donc, Rob Paulsen qui jouait Yakko, Jess Harnell qui jouait Wacko et Tress McNeil qui jouait Dot, qui vont performer plusieurs chansons mémorables de Animaniacs selon le New York Times. Les acteurs vont être accompagnés d'un orchestre symphonique, pareil comme l'orchestre qui faisait la vraie musique de Animaniacs. La tournée sera pas la première fois qu'ils vont essayer ce genre d'événement. Les trois acteurs ainsi que l'écrivain de Animaniacs Randy Rogel ont performé un spectacle qui s'appelait Animaniacs Live en septembre 2014. Et pendant ce spectacle, ils étaient avec la Colorado Symphony. La tournée prévoit entre autres Yakko's World, la chanson de 2 minutes adorée où Yakko nomme les pays du monde en les pointant sur une carte. Rogel avait écrit la chanson en 1991, bien avant la première de Animaniacs. C'est aussi avant que l'Union soviétique se sépare. Donc les chansons étaient simplement mentionné dans la chanson sous le nom de Russie. Bref, il y a plein de détails sur l'article de Polygon.com. Allez voir ça, c'est un article qui provient d'une source du New York Times. Maintenant, on va à l'international, parlant de la chanson des pays du monde. Une émission de télévision permet à des réfugiés de retrouver la tombe de leur fils. Secouru après un naufrage au large de la Libye en août 2014, un couple de réfugiés syriens n'a pas renoncé à retrouver la trace de leurs quatre enfants disparus cette même nuit. Grâce à une émission de télévision italienne, ils ont découvert la tombe de l'un d'eux. Originaire de Damas, Amjad, 36 ans, et Tahani, 33 ans, vivaient depuis plusieurs années en Libye, où lui travaillait dans un garage et elle donnait des cours d'anglais quand ils ont décidé de fuir l'instabilité et les violences. Faute de pouvoir rentrer en Syrie, ils ont embarqué le 2 août 2014 pour l'Italie avec leurs enfants, Rama, 6 ans, Mohamed, 4 ans, Omar, 2 ans et Isra, 11 mois, sur un bateau de pêche surchargé. Vers 22h30, l'embarcation a croisé un pétrolier, ce qui a comme souvent provoqué un mouvement de foule qui a fait chavirer le bateau. Amjad et Tahani ont passé près de 2 heures dans l'eau au milieu de centaines de migrants paniqués dont certains arrachaient les gilets de sauvetage des enfants pour les enfiler. Récupérés par des bateaux différents, ils se sont retrouvés le lendemain pour découvrir que malgré les propos rassurants des secouristes, leurs enfants manquaient à l'appel. Même Rama qui savait nager, même Mohamed et Kamjad étaient sûrs d'avoir aperçu vivant quand les secouristes l'ont repêché. Débarqués 3 jours après le drame à Salerne, près de Naples, ils ont été rapidement conduits dans un centre d'accueil près de Milan. 3 autres familles cherchaient aussi leurs enfants, mais ils ont vite renoncé. Je saute des détails ici pour aller à la fin, j'imagine. Où est la fin? Oui. Là, ils se sont tournés vers la Croix-Rouge allemande qui a contacté la très populaire émission de télévision Chi l'a vu, Chi l'ha visto, une institution rivant les Italiens devant leur poste depuis plus de 25 ans. Un membre de la police scientifique d'Agrigente en Sicile a alors reconnu le visage de Mohamed, dont le petit corps l'avait ému alors qu'il assistait à son autopsie quelques jours après le naufrage. La police d'Agrigente a pris contact avec la famille en Allemagne et lancé une grande chaîne de solidarité pour pouvoir le faire venir en Sicile. La responsable d'une chambre d'hôtel les a hébergés. Un restaurateur s'est occupé de leur repas, a raconté à l'agence France Presse la policière qui s'est occupée d'eux, Maria Volpe. Au commissariat, les parents ont pu revoir les vêtements de Mohamed, ses chaussures et même son gilet de sauvetage. Ils ont aussi clairement reconnu leur fils sur les photos prises à la morgue. Puis Mme Volpe les a accompagnés au cimetière de Ribera, à une cinquantaine de kilomètres d'Agrigente, où un employé des pompes funèbres a proposé de mettre la photo de l'enfant sur la petite tombe. Donc Mohamed a maintenant une tombe, a confié le père de famille au quotidien italien La Stampa. L'histoire. Ensuite, on va en Chine, les enfants de vedettes refusés dans les téléréalités. La Chine a interdit l'apparition d'enfants de célébrités à des émissions de téléréalité alors que le pays poursuit ses efforts pour éviter la multiplication des enfants vedettes. L'ordonnance de l'organisme de réglementation des médias chinois proscrit également la présence des enfants dans des talk-shows et dans les reportages d'émissions de divertissement, a rapporté l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Les émissions de télé-réalité qui exhibent des vedettes séduisantes et leurs enfants vêtus et coiffés à la mode jouissent d'une popularité grandissante depuis quelques années. Les parents célèbres et leurs enfants souvent précoces se sont présentés en voyage ou en train d'entreprendre des tâches quotidiennes ensemble. Visiblement préoccupé par la montée du culte de la célébrité, l'administration étatique de la presse, de la radio, du film et de la télévision a ordonné en juillet aux producteurs d'une douzaine d'émissions de télé-réalité sur des canaux satellites de cesser de dépeindre les mineurs comme des personnalités publiques. Les émissions de télé-réalité doivent protéger les mineurs et faire des efforts pour réduire leur participation, édicte le nouveau règlement cité par Chine Nouvelle. Les producteurs doivent rejeter la fausse conception selon laquelle ils doivent montrer des stars pour avoir de bonnes cotes d'écoute. Je cite, ne permettez pas aux émissions de devenir des endroits pour étaler la célébrité et la richesse. Une employée à la chaîne satellite Hunan qui diffuse la populaire émission Dad, Where Are We Going a indiqué que la station était au courant de l'ordonnance. Sous le couvert de l'anonymat, la femme a indiqué que la chaîne n'avait pas encore décidé si elle commanderait une nouvelle saison. L'autorité médiatique chinoise affirme que leur mandat est de mettre un frein aux émissions trop matérialistes ou qui encouragent trop le culte de la célébrité, des valeurs qui entrent en contradiction avec celles de l'administration communiste. Les téléspectateurs chinois se tournent de plus en plus vers les stations indépendantes de télévision satellite et vers les programmes sur Internet qui sont dans la mire des autorités chinoises. On va sur Internet maintenant. Bob Dylan inspire une nouvelle série sur Amazon. La plateforme de vidéos d'Amazon, Instant Video, a conclu un accord avec la société de production Lionsgate TV afin de développer une nouvelle série s'inspirant des chansons de l'interprète de Blowin' in the Wind. La série, intitulée Time Out of Mind, sera basée sur les personnages et thèmes développés dans les chansons de l'auteur, compositeur et interprète américain. Le réalisateur Josh Wakely sera aux manettes de ce nouveau projet. Le script de Time Out of Mind est encore en cours de développement, mais il devrait faire se rencontrer deux personnages de l'univers de Bob Dylan dans chacun de ses épisodes d'une heure. Le catalogue du chanteur de 74 ans comporte plus de 35 albums et offre donc des possibilités de scénarios très nombreuses. Il s'agit d'un second projet d'adaptation de chansons à la télé pour le scénariste et réalisateur australien. Il est également en train de développer Beatbugs, une série animée pour Netflix inspirée du catalogue des Beatles, dont on a parlé il y a quelques semaines. De nombreux artistes comme Sia, Pink ou Eddie Vedder seront au générique de la série qui sera mise en ligne sur Netflix cet été. Kevin Bacon sera de retour à la télé aussi pour Amazon après The Following. Kevin Bacon s'apprête à jouer dans I Love Dick, la nouvelle série comique signée Amazon, révèle The Hollywood Reporter. Selon les informations du site spécialisé, l'acteur est en pourparlers pour jouer Dick, un professeur charismatique qui vit à Marfa, au Texas, et devient l'obsession d'un couple marié. La série est adaptée d'un roman de Chris Krause, paru en 97, et traitera de l'effilochage d'un mariage, l'éveil d'un artiste et la déification de Dick. Catherine Hahn, qu'on connaît de Le Monde de Demain, jouera l'épouse de ce couple marié. L'acteur qui interprétera son mari n'est pas encore choisi. La réalisation et la production du projet ont été confiées à Jill Soloway, la créatrice de la série à succès Transparent, aussi sur Amazon. I Love Dick donc marque le retour de Kevin Bacon à la télé. L'acteur n'était pas apparu au petit écran depuis la fin de The Following en mai 2015. Naomi Watts dans le rôle d'une thérapeute pour Netflix maintenant. Naomi Watts qui va tenir le rôle principal dans Gypsy, le prochain thriller psychologique du géant de la vidéo sur demande prévu pour 2017. L'actrice australienne incarnera Jean Holloway, une femme qui entretient des relations intimes et dangereuses avec des personnes proches de certains de ses patients. La première saison de Gypsy sera composée de 10 épisodes d'une heure. Les deux premiers seront réalisés par Sam Taylor-Johnson de 50 nuances de gris. Naomi Watts sera également productrice exécutive de la série. À l'affiche de la série Divergence Allegiance, l'actrice tiendra prochainement la vedette dans Shut In et The Book of Henry, prévu au courant de 2016. Et toujours sur Internet, tantôt on parlait du retour des contes de la crypte. CBS vient d'annoncer ses plans de ramener une série d'anthologie de Twilight Zone. Mais ce sera pas une émission de télé ordinaire, en fait, ça va mélanger la télé et les jeux vidéo. Ça va être une légende de l'industrie des jeux vidéo, Ken Levine, le gars derrière Bioshock qui va travailler là-dessus. Ça a été révélé par The Wrap récemment et le nouveau Twilight Zone va être fabriqué avec une compagnie de vidéos numériques nommée Interlude qui crée des vidéos interactives qui permettent aux téléspectateurs de décider du résultat de l'événement. Donc ça va promettre un niveau d'interactivité avec la nouvelle série qui, selon CBS, va permettre de donner des histoires qui vont se changer et s'adapter à ce que le téléspectateur veut voir. C'est un peu comme un choisissez votre propre aventure, mais à la Twilight Zone, bien sûr. Donc, Ken Levine, qui a travaillé sur, entre autres, System Shock 2, Bioshock et Bioshock Infinite, des jeux qui sont connus pour leurs histoires qui mélangent un petit peu la réalité avec la fiction. C'est lui qui va travailler sur cette nouvelle version de Twilight Zone. Voilà, c'est l'article qui est sorti récemment, qui est en anglais, donc j'ai un petit peu de misère à le traduire live comme ça. Continuons avec les codes d'écoute les plus récentes qu'on a. C'est pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Commençons par le Québec, en rafale, position 15 à 6, La Voix, Les Enfants de la télé, La Poule aux odeurs, Rupture, Vlog, Mémoire vive, Au secours de Béatrice, Accès illimité, Tout le monde en parle et haut. En 5e, LOL, en 4e, Les Beaux malaises, Meilleur moment, en 3e, Yamaska, en 2e, Unité 9 et en première place avec 2 685 000, c'est La Voix. Du côté du Canada anglais, maintenant 15 à 6 en rafale, The Amazing Race, Supergirl, Agents of S.H.I.E.L.D., Grey's Anatomy, Lucifer, Blind Spot, CTV Evening News, Hawaii Five-O, The Flash et Blue Bloods. En 5e, NCIS, Los Angeles, en 4e, Criminal Minds, Beyond Borders, en 3e, Survivor, en 2e Criminal Minds et en 1ère c'est The Big Bang Theory avec 4 251 000. Voilà pour Television Television. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On était rendu à une autre pièce de chiptune. C'est par Tom Foolery and the Family Jewelry. Voici l'album Overdub et la pièce Second Guesses. MPS, le Mathieu Plante Show. Sur CIF. We'll be right back. La pièce Insurmountable sur l'album arrive à sa fin par Lane 2097. Tu sais, j'étais pas sûr de vouloir la jouer, j'aurais pu ne pas la jouer. Avant, c'était Tom Foolery and the Family Jewelry avec la pièce Overdub sur... Non, la pièce First Impressions sur l'album Overdub. Voilà. Toujours Mathieu Planchot, maintenant c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Et on commence avec les embryons humains de nouveau modifiés par des chercheurs chinois. Les chercheurs chinois ont donc utilisé l'édition génétique, le système CRISPR dont on a parlé avec Lucas Hubert il y a quelques semaines à l'émission, pour introduire une résistance au VIH dans des embryons humains. C'est la deuxième publication scientifique qui décrit une telle modification génétique un an après une première mondiale déjà en Chine en avril 2015. Le système CRISPR-Cas9 est un outil puissant d'édition génétique qui a été appliqué avec succès pour modifier les génomes de différentes espèces. Depuis un an, cette technique suscite la controverse dans la communauté scientifique en raison de son application possible à l'espèce humaine. En avril 2015, une équipe chinoise avait annoncé avoir modifié un gène lié à une maladie du sang dans des embryons humains non viables. Cet article qui décrivait une première mondiale avait suscité beaucoup d'interrogations éthiques et des scientifiques avaient appelé à un moratoire sur ces expériences. À l'époque, des rumeurs couraient que d'autres équipes faisaient le même type d'expérience. Un nouvel article paru dans Journal of Assisted Reproduction and Genetics en apporte la preuve. Les chercheurs ont cette fois voulu tester la technologie CRISPR pour introduire une autre modification génétique dans des embryons humains. Ces embryons non viables ont été détruits au bout de 3 jours et il s'agit seulement du deuxième article publié sur l'édition génétique dans des embryons humains. L'équipe de Yang Fan de l'Université médicale de Canton en Chine a récupéré 213 embryons humains entre avril et septembre 2014. Ces embryons provenaient de 87 patientes et ne pouvaient pas être utilisés pour une implantation dans le cadre d'une FIV, donc une fécondation in vitro, car ils contenaient un jeu supplémentaire de chromosomes. L'équipe a utilisé le système CRISPR-Cas9 pour introduire une mutation dans le gène CCR5 qui code pour une protéine indispensable à l'entrée du VIH dans les globules blancs. La mutation CCR5-32, portée naturellement par certaines personnes résistantes au virus VIH, altère la protéine CCR5 d'une telle façon qu'elle empêche l'entrée du virus dans la cellule. 4 embryons sur 26 ont été modifiés avec succès, mais tous les chromosomes ne portaient pas la mutation. Plusieurs scientifiques internationaux expriment dans Nature leur scepticisme vis-à-vis de la nécessité de réaliser de telles expériences. Donc, un spécialiste de bioéthique de l'Université Hokkaido à Sapporo, au Japon, ne voit pas de problème dans la façon dont ces expériences ont été menées, car un comité d'éthique local les a approuvées. Toutefois, il s'interroge lui aussi sur la nécessité de ces expériences. Un neuroscientifique à l'Université d'Emory à Atlanta, aux États-Unis, dit que cet article souligne simplement qu'il y a encore beaucoup de difficultés techniques pour faire de l'édition précise dans les cellules d'embryons humains. En février dernier, les autorités britanniques ont donné leur accord pour des expériences de modification d'embryons humains. Ces recherches menées par Cathy Niakan à l'Institut Francis Crick de Londres ont pour but d'inactiver des gènes impliqués dans le développement précoce de l'embryon dans l'espoir de mieux comprendre pourquoi certaines grossesses s'arrêtent spontanément. Ce travail sera réalisé dans des embryons viables, mais les chercheurs devront arrêter les expériences au bout de 14 jours. Le travail de Cathy Niakan vise à répondre à des questions sur l'embryologie, alors que celui de l'équipe de Young Fan est de montrer comment générer un individu résistant au VIH. Deux objectifs donc différents, et l'édition génétique n'a probablement pas fini de faire parler d'elle, et évidemment, on va en parler quand on aura d'autres nouvelles, ici même au Mathieu Planchot. Les filtres à eau du futur en graphène seront efficaces et bon marché, nous dit-on. Filtrer l'eau très simplement à travers une membrane et sans procédé chimique, c'est possible avec du graphène, mais ça coûte très cher. Obtenir du graphène pur est en effet difficile. Qu'à cela ne tienne, expliquent les chercheurs, faisons la même chose avec une forme oxydée, donc imparfaite, mais bien plus facile à produire. C'est possible et ils le démontrent. Le graphène est régulièrement présenté comme un matériau miracle, notamment dans le secteur de l'industrie électronique. Hélas, les propriétés exceptionnelles que lui ont déjà découvertes les chercheurs sont bien compliquées et coûteuses à mettre en œuvre. C'est pour contourner la question du prix que les chercheurs américains du MIT et de l'Université de Harvard se sont intéressés à l'oxyde de graphène. Les nanorouleaux qu'ils sont ainsi parvenus à produire pourraient servir à fabriquer, entre autres, des systèmes de filtration de l'eau à la fois efficaces et ciblés. Ses propriétés physiques et chimiques exceptionnelles, le graphène les tient de sa structure très particulière, hexagonale et régulière. Elle a donné aux chercheurs l'idée d'utiliser ce matériau pour la conception de membranes de purification de l'eau. Plus question ici d'éliminer chimiquement les polluants, mais plutôt de les extraire physiquement. Et ce, à l'aide de milliards de nanorouleaux de graphène empilés en couches et capables de capturer les polluants sélectivement. De quoi produire de l'eau très pure, sans goût désagréable ni mauvaise odeur. Le hic, c'est qu'il coûte très cher de maintenir la pureté du graphène et de le mettre en œuvre au niveau industriel. Exposé à l'air, le graphène s'oxyde très rapidement. Les chercheurs du MIT et de l'Université de Harvard ont donc décidé d'exploiter cette forme oxydée. Imparfaite, oui, puisque souillée d'atomes d'oxygène et d'hydrogène, mais meilleur marché que le matériau pur. À partir d'oxyde de graphène et en utilisant des techniques d'ultrasons, ils ont produit des nanorouleaux de dimension contrôlable. Les nanorouleaux ont aux propriétés mécaniques similaires à celles du graphène pour seulement une fraction de son coût. L'idée d'utiliser des nanorouleaux de graphène n'est pas nouvelle, mais comme on l'a dit, la technique est trop chère pour être exploitée industriellement. Des chercheurs avaient également déjà tenté de produire des nanorouleaux d'oxyde de graphène sans succès. Le résultat ressemblait plus, oui, à du papier, du graphène froissé. Les chercheurs américains ont d'abord mis en œuvre un procédé chimique dit de la méthode de Hummer pour produire des feuilles d'oxyde de graphène à partir de morceaux de graphite. Mis en solution, ces feuillets d'oxyde de graphène ont ensuite été stimulés à l'aide de deux procédés à ultrasons différents pour un même résultat. La formation spontanée de nanorouleaux. Les chercheurs du MIT et de l'Université de Harvard ont utilisé ces sondes piézoélectriques qui, une fois alimentées et placées dans une solution, créent des ondes sonores soit à une fréquence de quelques 20 Hz, soit à une fréquence d'environ 390 Hz. Des ondes qui agitent le milieu et y font naître des bulles. Lorsque ces bulles explosent, elles libèrent une énergie suffisante pour initier la formation de nanorouleaux de forme conique à partir de feuillets d'oxyde de graphène. Et les résultats des chercheurs américains montrent qu'une fréquence plus élevée et un traitement plus court permettent de produire des nanorouleaux plus grands et inversement. Pour l'heure, seulement 10% des feuillets ont pu être convertis en nanorouleaux. Les chercheurs du MIT et de l'Université Harvard assurent toutefois que leur technique peut être améliorée pour obtenir de meilleurs rendements. Elle pourra alors être incluse à des procédés industriels existants pour la production de membranes de filtration d'eau, bien sûr, mais aussi de capteurs chimiques ultralégers ou des vecteurs de médicaments. Des super-héros mutants existent bel et bien. Une analyse portant sur plus de 589 000 génomes a identifié 13 personnes en bonne santé qui avaient pourtant des mutations codant pour de graves maladies génétiques. Cependant, les chercheurs ignorent l'identité de ces super-héros. Souvent, la recherche génétique vise à identifier les mutations responsables de maladies, mais voici qu'une autre approche a été employée ici pour trouver des pistes thérapeutiques. Des scientifiques ont recherché des personnes en bonne santé mais résilientes, c'est-à-dire qui ne développaient pas la grave maladie à laquelle leur génome les avait pourtant condamnés. Dans le cadre du Resilience Project, lancé en 2014 par Stephen Friend et Eric Schatt, des scientifiques ont conduit une vaste étude génomique sur 589 306 génomes. L'objectif de ce projet était de trouver de rares individus qui ne sont pas affectés par les mutations qui devraient pourtant les rendre malades. L'analyse du génome de ces personnes pourrait permettre de trouver des mécanismes protecteurs pour imaginer de nouveaux traitements contre ces maladies génétiques. Pour cette étude parue dans Nature Biology, les scientifiques ont recherché dans l'ADN 874 gènes liés à 584 maladies génétiques distinctes. Ces pathologies correspondaient à des maladies métaboliques, neurologiques et des troubles du développement avec des symptômes graves. Les chercheurs ne se sont intéressés qu'à des maladies qui pouvaient être causées par une mutation dans un seul gène et dont les symptômes graves apparaissaient généralement durant l'enfance. La société de séquençage 23andMe, qui propose aux particuliers de séquencer leur ADN, a participé au projet. Plus de 400 000 clients de 23andMe contribuent à cet effort, ce qui montre que les consommateurs engagés peuvent avoir un impact réel sur la recherche scientifique. Les quelques 589 000 génomes provenaient d'adultes qui n'avaient jamais été diagnostiqués pour l'une de ces maladies. L'analyse a identifié 13 personnes en bonne santé avec des variants génétiques associés à 8 maladies. Ainsi, 3 adultes n'avaient pas de mucoviscidose, alors qu'ils avaient les deux copies du gène CFTR qui cause la maladie. 3 autres ne souffraient pas d'astélostéogenèse, une maladie pourtant létale à la naissance, ou presque, alors qu'ils avaient les deux copies mutées du gène SLC26A2 lié à la maladie. D'autres n'avaient pas de dysautonomie familiale, une grave maladie nerveuse, pas de syndrome de Smith-Lemli-Opitz ou d'épidermolyse bulleuse simple, une maladie grave de la peau, et pourtant ils avaient les mutations pour ces maladies. Pour l'instant, les scientifiques ignorent pourquoi ces personnes n'ont pas développé les maladies que leur génome leur destinait. Une possibilité est qu'elles portent d'autres gènes qui suppriment l'effet de ces mutations. Ces résultats montrent que l'approche utilisée est intéressante et qu'il existe bien des cas de personnes qui ne développent pas de maladies en dépit d'un génome a priori défavorable. Il y a toutefois un gros bémol à cette étude. Aucun des 13 super-héros de la génétique n'a pu être contacté car ils n'avaient pas donné leur consentement pour ce faire. Les chercheurs n'ont pu ni vérifier que ces personnes étaient totalement résistantes aux maladies, ni avoir plus d'informations sur leur santé. S'il était possible de contacter ces personnes, il serait plus simple de trouver des pistes pour lutter contre ces maladies génétiques. Stephen Friend, président de Sage Bionetworks, en a tiré des enseignements pour ses prochaines recherches. Je cite, « Nous prévoyons le lancement d'une étude prospective à l'avenir avec une politique de consentement bien plus utile. » C'est un peu dommage qu'il n'ait pas donné leur accord parce que ça ne peut pas avancer plus que ça sans leur consentement. Pour aider la science, vous pouvez compter les manchots. Est-ce que vous aimez la nature, peut-être? Et là, Futura Science nous demande, est-ce que vous aimez la nature au point de savoir que penguin en anglais, se traduit en français par manchot et non pas par pingouin? Je ne savais pas ça. Ça m'intrigue tout d'un coup. D'ailleurs, connaissez-vous un peu d'anglais ou bien d'espagnol ou de tchèque? Alors n'hésitez pas, comptez les manchots. L'Université d'Oxford a besoin de nous pour assurer un indispensable suivi de différentes colonies sur des centaines de milliers de photos. L'opération Penguin Watch 2.0 a démarré. Lancée par l'Université d'Oxford, ce projet de science citoyenne fait appel à toutes les bonnes volontés pour mener à bien un travail impossible à réaliser par les équipes de zoologistes. Les colonies de manchots de l'hémisphère sud, réparties entre l'Antarctique et de multiples îles des Malouines aux Kerguelen, sont bien connues, répertoriées et visitées de temps à autre, mais les conditions d'accès à ces territoires isolés et difficiles interdisent un suivi continu. Une solution est de planter des caméras, ce qui a été fait sur la pointe de la péninsule antarctique et le chapelet d'îles qui en est le prolongement jusqu'à l'extrémité de la Amérique du Sud grâce au programme Oceanites inauguré en 94. Les scientifiques ont donc installé 75 appareils photo qui prennent chacun un cliché par heure et les envoient par onde radio. Un suivi méticuleux permet de comprendre comment les colonies de manchots évoluent dans le temps, si elles sont en déclin ou en expansion, si elles sont affectées par des variations du climat ou des activités humaines. Mais sans connaître les taux et les saisons de reproduction, par exemple, il est impossible de comparer différentes colonies d'une même espèce ou bien une même colonie à plusieurs années d'intervalle. Mais la zoologie travaille en général avec des budgets serrés et les centaines de milliers de photos s'accumulent. Il y a 3 ans d'images à analyser, d'où cet appel aux citoyens. Et tout est expliqué en anglais, en espagnol et en tchèque sur le site de penguinwatch.org. En téléchargeant les images, les internautes peuvent s'engager à y compter les adultes, les jeunes et les œufs. Sur chaque photo, il suffit de faire glisser une des 3 icônes disponibles. On peut ainsi laisser un commentaire qui restera lié à l'image. Plusieurs espèces sont à suivre, le manchot royal, le manchot adélie, le manchot à jugulaire, le manchot papou et les gorfous, ou manchot, à aigrette, qui regroupe 2 ou 3 espèces. Le geste est simple, les manchots sont jolis, rigolos, leurs webcams antarctiques ont eu en leur temps un certain succès sur le web et aujourd'hui ce voyeurisme animalier peut être utile à la science, donc pourquoi ne pas les aider sur penguinwatch.org. Maintenant, on passe à un autre animal, la fourmi, qui se fait épiler pour la science. Les fourmis argentées du Sahara sont capables de vivre à des températures particulièrement élevées, en partie grâce aux poils qui recouvrent leur face dorsale. Pour mieux comprendre le rôle de ces poils, les chercheurs ont rasé des fourmis, une expérience de précision plutôt délicate. Le désert du Sahara est l'un des environnements les plus rudes de la planète, avec des températures torrides dans la journée que subissent les animaux qui y vivent, bien sûr. Ainsi, la fourmi argentée Cataglyphis bombycina vit dans le Sahara, le Sinaï et des déserts de la péninsule arabique. C'est l'un des organismes vivants les mieux adaptés à de hautes températures. Alors que la plupart des animaux restent à l'abri de la chaleur du soleil le jour, les fourmis argentées choisissent le milieu de la journée pour chercher de la nourriture. Les températures dépassent alors les 50 degrés Celsius et cette stratégie leur permet d'échapper à leurs prédateurs comme les lézards qui évitent ces températures insupportables. Les fourmis présentent plusieurs adaptations pour les aider à supporter la chaleur extrême. Elles ont des pattes plus longues que les autres fourmis, ce qui les tient un peu plus éloignées du sable et leur permet de courir plus vite pour réduire le temps passé à l'extérieur. Elles produisent aussi des protéines heat shock avant de sortir du nid, ce qui permet à leur organisme de réagir vite à la chaleur soudaine. Mais elles auraient un atout supplémentaire, des poils hors du commun, aux propriétés optiques extraordinaires. En effet, la face dorsale des ouvrières, donc le thorax et l'abdomen, est recouverte de poils denses qui donnent à la fourmi son aspect argenté et joue un rôle de thermorégulation. Pour mieux étudier le rôle de ces poils, des chercheurs belges ont récupéré des fourmis dans des dunes de sable d'Ergichébi, dans le sud-est du Maroc. Ils ont observé ces poils au microscope et rasé des fourmis pour le besoin de cette expérience décrite dans la revue Plus One. Les poils ont une section triangulaire, ce qui en fait des prismes avec comme base un triangle isocèle ayant un angle de 72 degrés et 2 angles de 54 degrés. De plus, ils portent des stries microscopiques sur les 2 faces du prisme exposé à l'extérieur. Ces stries de 66 nanomètres de profondeur sont séparées de 204 nanomètres et la face du bas n'est pas striée. Ce poil en forme de prisme réfléchit entre 95 et 98% de l'énergie, ce qui permet un effet miroir unique dans le monde animal. Le fait de réfléchir la lumière permet d'éviter la chaleur, mais pourrait aussi servir au camouflage ou à la communication. La forme triangulaire des poils contraste avec la forme cylindrique typique de la plupart des anthropodes. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Au laboratoire, les chercheurs ont rasé les fourmis. Dans Mail Online, le principal auteur de l'article a expliqué qu'il était une procédure délicate car les fourmis se débattent quand elles sont capturées, ce qui empêche toute tentative de rasage si elles ne sont pas anesthésiées. Les fourmis ont donc été endormies avec du dioxyde de carbone, puis les poils ont été retirés en utilisant une loupe binoculaire et une lame bien aiguisée. C'est la même chose que de vous raser le menton, dit-il. La lame du scalpel doit se déplacer dans la direction opposée à la croissance du cheveu. Ça doit être un mouvement délicat et doux. Une fourmi ouvrière était rasée en 1 heure. Environ 40 fourmis ont été rasées pour obtenir 7 animaux prêts pour l'expérience. 1 heure par fourmi. Les chercheurs ont observé que les poils qui recouvrent la face dorsale de la fourmi réfléchissent environ 10 fois plus de lumière que des cuticules rasées. De plus, les fourmis poilues chauffaient moins vite et restaient à une température de 2 degrés Celsius plus basse. Incroyable! Incroyable, mais bon, ça fait avancer la science. Hein. Maintenant, une mémoire magnétique de la taille d'un atome. Des physiciens viennent de présenter un mémoire magnétique à base de terre rare qui stocke un bit d'information de façon stable sur un seul atome. La prouesse n'est cependant possible qu'à basse température. On reste dans le même domaine des températures. La course à la miniaturisation dans le domaine de l'électronique et des mémoires magnétiques a révolutionné notre vie au cours des 20 dernières années. Elle se poursuit actuellement avec l'essor des nanosciences et c'est elle qui permet aujourd'hui à Stephen Hawking et Yuri Milner d'envisager sérieusement de rejoindre le système d'Alpha du Centaure avec une sonde interstellaire dans 50 ans tout au plus. La course aux mémoires magnétiques, de plus en plus dense, prend appui sur des idées assez anciennes, puisqu'on peut les faire remonter au tout début du 20e siècle, lorsque Paul Langevin a repris l'hypothèse d'Ampère sur l'existence de petites boucles microscopiques de courant dans la matière pour expliquer le paramagnétisme et le diamagnétisme à l'aide de la toute jeune théorie des électrons d'Hendrik Lorentz. En 1907, un autre chercheur français, Pierre Weiss, avait lui proposé une théorie pour rendre compte du ferromagnétisme des aimants. Le ferromagnétisme ne sera vraiment compris qu'en utilisant une description quantique des électrons. En effet, la mécanique quantique dote ces particules élémentaires de propriétés qui permettent de les considérer comme des sortes de petites toupies aimantées parce qu'elles possèdent une charge magnétique, mais aussi parce qu'elles ont un spin qui vaut à la moitié en unité de moment cinétique, et donc un moment magnétique. Placées dans un champ magnétique, elles peuvent aussi alors s'orienter parallèlement ou antiparallèlement à ce champ. Si l'on adopte une convention pour associer à chacune de ces directions un 0 ou un 1, on peut en théorie utiliser des électrons pour réaliser des mémoires ou des supports d'opérations logiques. En fait, les mémoires magnétiques sont des collections d'atomes avec un électron dont le spin est orienté dans une direction. On a donc des domaines d'aimantation qui portent un bit d'information. Augmenter la densité des informations stockées dans un milieu magnétique revient donc à diminuer le nombre d'atomes dans chaque domaine d'aimantation, sous réserve que cette aimantation reste stable. Un groupe international de chercheurs, dont certains sont membres de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, vient de faire savoir, dans un article publié dans Science, qu'il était parvenu à construire une mémoire magnétique où les bits d'information peuvent être enregistrés sur un seul atome et qui est la plus stable à ce jour. Pour réaliser cet exploit, les physiciens ont utilisé un métal du groupe des terres rares, l'holmium, son nom dérive de Holmia pour Stockholm en latin. Il les extrait, comme la plupart des terres rares, de la monazite, qui en contient environ 0,5%, et il possède le moment magnétique le plus élevé de tous les éléments. Ces atomes ont été placés sur un film ultra fin d'oxyde de magnésium. À température ambiante, les interactions thermiques ne permettent pas d'obtenir une aimantation stable, c'est-à-dire une rémanence thermomagnétique, comme on dit dans le jargon technique. Mais à 40 Kelvin, c'est possible. La température reste particulièrement basse, puisqu'elle équivaut à moins 233,15 degrés Celsius, mais elle constitue néanmoins un nouveau record, puisque c'est la plus élevée obtenue permettant d'enregistrer un bit magnétique sur l'orientation du spin d'un seul atome. En fait, le record est double parce qu'auparavant, de 3 à 12 atomes étaient nécessaires pour des températures bien plus basses. Il ne s'agit que d'une curiosité de laboratoire, mais peut-être aura-t-elle un impact dans le domaine des calculateurs quantiques du futur. Faudrait en parler à Justin Trudeau. Hein? Ensuite, on va terminer avec celui-ci, tiens. Le sommeil, les enfants qui dorment un peu moins la nuit de pleine lune. Les enfants ne sont pas plus actifs à la pleine lune qu'à la nouvelle lune. Cependant, d'après une étude portant sur plus de 5800 enfants vivant dans différents pays du monde, ils dormiraient 5 minutes de moins les nuits de pleine lune. L'idée que la lune a un effet sur le comportement des humains n'est pas nouvelle. Elle a nourri les légendes populaires comme celle du loup-garou. Chez les animaux, il existe un exemple de l'influence du cycle lunaire sur le comportement. Chez les vers marins palolo, à un certain moment de l'année, les mâles et les femelles se séparent de la partie de leur corps qui porte les gamètes. Ce phénomène a lieu pendant le dernier quartier du cycle lunaire. Chez les humains, en revanche, les preuves de l'influence de la lune sur le comportement sont faibles. Des chercheurs du Children's Hospital of Eastern Ontario Research Institute à Ottawa ont voulu s'attaquer au mythe selon lequel les enfants seraient hyperactifs au moment de la pleine lune. 5812 enfants âgés de 9 à 11 ans vivant dans 12 pays ont participé à leur étude. Ils provenaient de 5 continents, puisque les pays représentés étaient les suivants: Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Finlande, Inde, Kenya, Portugal, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis. Pour savoir si les enfants étaient plus actifs au moment de la pleine lune, Les chercheurs les ont munis d'un accéléromètre, c'est-à-dire un appareil qui enregistre leur activité et permet de suivre leur sommeil 24 heures par jour pendant au moins 7 jours. Trois phases lunaires ont été étudiées, la pleine lune, la nouvelle lune et la demi-lune. Les résultats sont parus dans Frontiers in Pediatrics et ça montre que l'activité des enfants, qu'il s'agisse du temps passé à des activités modérées, intenses ou du temps sédentaire, était similaire à la pleine lune et à la nouvelle lune. Il n'y avait donc pas de lien entre la pleine lune et le niveau d'activité des enfants, ce qui va à l'encontre du mythe selon lequel ils sont excités au moment de la pleine lune. Cependant, ils dormaient environ 5 minutes de moins les nuits avec pleine lune par rapport aux nuits de nouvelle lune. Cela représente environ 1% de sommeil en moins, ce qui reste peu important. Les chercheurs ne savent pas pourquoi les enfants dormaient moins à la pleine lune. Une possibilité est que ce soit lié à la luminosité. Cependant, vu la quantité de lumière artificielle présente dans les sociétés modernes, cette explication semble peu plausible. Il est à noter que cette étude a été réalisée sur un temps très court, ce qui peut gêner les résultats. C'est clair qu'il faudrait le faire sur plusieurs mois, plusieurs années sinon. Mais ça fournit quand même des preuves solides que les associations entre les phases de la Lune et la durée du sommeil, mais aussi les comportements actifs des enfants, ne sont pas significatives du point de vue de la santé publique, expliquent les chercheurs canadiens. D'autres recherches sont donc nécessaires pour savoir si la biologie humaine est liée ou pas au cycle solaire. Voilà. C'est tout pour Merci Science. On prend une petite pause musicale chiptune. En fait, c'est pas du chiptune dans ce cas-ci. On s'en va entendre un remake d'une pièce de Super Mario 3D World. C'est grâce à OC Remix et leurs artistes Flex Style et Expert Novice. Voici la chanson Caravan Bowser. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou! Direct sur le web. Vous êtes à 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à Cibout? À Trois-Rivières, c'est le 89.9. La pièce Fire Still Burns in My Frozen Heart par l'artiste Hans Garros sur l'album. En fait, non, pas sur l'album, c'est un cover d'une pièce du jeu Wise 3, Wanderers from Wise. J'ai aucune idée comment le prononcer, YS. Avant ça, on a entendu une pièce de Super Mario 3D World, Caravan Bowser. La pièce d'origine est World Bowser Map Theme et c'est par Flex Style et Expert Novice. Ça vient de l'album Super Cartography Brothers qui, dans le fond, refait des chansons de maps, de cartes de différents jeux de Super Mario Brothers. Tu sais, les cartes où tu te promènes de tableau en tableau, là. C'est juste des pièces de ça. C'est un peu bizarre comme concept, mais ça existe. Maintenant, c'est le segment Geek Scenix. La Dash.com. On va vraiment se dépêcher aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps pour faire CNX, le segment Geeks, donc Geek, oui, des nouvelles informatiques, technologiques, jeux vidéo. Commençons en Italie parce que je l'ai mentionné en intro, un courriel sauve une Chinoise suicidaire. Un courriel a traversé deux fois l'Atlantique, parcourant des milliers de kilomètres, réussissant à la fin à sauver une jeune Chinoise en train de se suicider en Italie. Un jeune étudiant chinois résidant en Grande-Bretagne discutait sur Internet avec une compatriote installée à Vérone dans le Nord-Est quand il a soupçonné, d'après le ton de la conversation, des velléités suicidaires chez la jeune fille. Il a immédiatement envoyé un courriel à la police, mais s'est trompé et au lieu de l'envoyer à la ville italienne, il l'a envoyé au Verona Police Department dans le New Jersey sur la côte est des États-Unis. Ces derniers, comprenant l'erreur, ont alerté le bureau d'Interpol à Washington qui a contacté à son tour la salle opérationnelle internationale à Rome. Cette dernière a alors appelé la préfecture de police de Vérone en Italie qui a dépêché les policiers sur place. Je cite, la jeune femme a été trouvée avec les veines des poignets partiellement coupées, ayant ingurgité une grande dose de médicaments antidépresseurs dont le flacon à moitié vide a été trouvé à côté du corps, selon un communiqué de presse. Donc, un courriel et ça a sauvé une personne, ce qui est pas mal cool. La semaine passée, en intro d'émission, j'avais mentionné une nouvelle dans CNX. On n'avait non plus pas eu le temps de faire CNX la semaine passée, donc allons-y avec ça. Une loi pour interdire les textos en marchant. Le risque de prendre la mauvaise décision est à peu près 20% plus grand chez les gens qui textent en marchant comparativement à ceux qui ne font que marcher, souligne François Courtemanche, chercheur au Tech 3 Lab de HEC Montréal. Aux États-Unis, cette réalité incite des États comme le New Jersey à envisager d'interdire l'usage du téléphone en marchant sur la voie publique. Il pourrait y avoir des amendes de 50$ et même des peines d'emprisonnement de 15 jours. Une étude réalisée par les chercheurs de l'Université de l'Ohio montre qu'en 2010, plus de 1500 piétons sont entrés aux urgences américaines pour des blessures reliées à l'usage du cellulaire en marchant. C'est 5 fois plus qu'en 2005. Au Québec, entre 2011 et 2013, 27 piétons ont été blessés, dont 5 gravement. Maintenant, je dois absolument parler de ça parce que tout le monde en a parlé cette semaine. C'était un gros coup de publicité. Marco Marcella n'a pas vraiment supprimé sa compagnie. À l'informatique, on dit que c'est magique et ça permet de faire un nombre de choses pharaoniques de manière automatique, mais attention, une simple ligne de code pourrait également provoquer l'Armageddon. C'est la triste expérience qu'a vécu Marco Marcella, mais c'est pas vrai du tout. Cette petite société de gestion de sites web qui compte plus de 1500 clients a été entièrement détruite, disions-nous, à cause de deux mots, RM, RF, baroblique. Le 10 avril, il a posté un message sur ServerFault, un site de questions-réponses pour les administrateurs de serveurs de réseau. Je cite, la nuit dernière, j'ai accidentellement lancé sur tous mes serveurs un script. Le script en question est une sorte de mini-programme informatique qui doit effectuer des actions bien particulières. Les fameuses lettres RM-RF disaient à l'ordinateur de supprimer tout ce qu'il y avait dans le dossier. Le X, c'est que c'est pas vrai du tout, hein? Si plusieurs personnes lui ont répondu que sa société était perdue de même que tout son travail, d'autres lui ont conseillé des techniques et logiciels pour récupérer des données effacées. Le géant a répondu à l'un des dépanneurs le 14 avril qu'il devrait pouvoir récupérer toutes ces données. Comment? En faisant appel à une société spécialisée dans la récupération d'informations supprimées. Malheureusement, l'histoire finissait mal. Les réparateurs affirmaient effectivement pouvoir récupérer toutes les informations des plus de 1500 clients supprimés. Le coût était beaucoup trop élevé pour la petite société de Marco Marcella. Où est la mise à jour de cette nouvelle-là? Bref, on apprend à la fin que c'était un coup publicitaire pour cette petite compagnie. Donc, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet. Une chose, j'en avais sauté sur cette nouvelle-là, sauté par-dessus cette nouvelle-là, ici même à l'émission. Procédé de Hong Kong rendant les écrans incassables a été primé à Genève. Fini les écrans de téléphone intelligent cassés ou rayés. Un inventeur de Hong Kong a reçu récemment le grand prix du 44e Salon international des inventions de Genève pour son procédé de durcissement des surfaces. Le lauréat, le professeur Kok Wai Chia, vient de l'Université Baptiste de Hong Kong. Il a mis au point un processus permettant de durcir des surfaces en verre par l'application d'un film saphir sur l'écran à protéger. La méthode s'applique à de nombreux domaines, le plus populaire étant les écrans de téléphone intelligent, bien sûr, trop souvent rayés ou victimes de bris. Ce processus pourrait être étendu à toutes les surfaces de verre, y compris bombées, par exemple les montres ou les téléviseurs, selon un communiqué du Salon des inventions. Concrètement, il s'agit d'appliquer à haute température un film de saphir, un des matériaux les plus durs du monde, sur le verre existant. Ce film ne nuit pas à la transparence, la transmission optique du film étant très proche de celle du verre, entre 89 et 92%. Le Salon international des inventions de Genève a par ailleurs récompensé 45 autres inventions parmi le millier de nouveautés présentées. Et pour terminer, on va y aller avec celui-là. Samsung qui veut intégrer les Google Glass dans des lentilles. Un brevet obtenu par Samsung décrit un concept de lentille de contact connecté à un smartphone qui serait muni d'une caméra et d'une technologie d'affichage en réalité augmentée. Un système similaire aux lunettes connectées de Google mais placé directement sur les yeux. C'était il y a un peu plus de 2 ans, en 2014, Google qui présentait des lentilles de contact intelligentes dotées de capteurs qui permettaient de mesurer en temps réel le taux de glycémie dans l'organisme afin d'aider les personnes diabétiques à mieux gérer leur maladie. Ce projet toujours en développement est maintenant chapeauté par Verily, la filiale d'Alphabet consacrée à la santé. Mais la firme de Mountain View n'est pas la seule entreprise à travailler sur ce créneau. Il y a aussi Samsung, comme le révèle le brevet repéré par Sam Mobile. Celui-ci porte aussi sur des lentilles de contact intelligentes, mais n'a pas de vocation médicale. Il est plutôt question d'un dispositif capable d'afficher une image perçue par les yeux et d'une caméra enregistrant la même chose que ce que capte la vision. Sur le papier, ces lentilles sont dotées d'une antenne afin de pouvoir communiquer, oui, avec le smartphone qui sera requis pour s'occuper du traitement informatique. Il est aussi prévu d'inclure des capteurs dans ces lentilles afin de détecter les mouvements. Ce dernier point, il n'est pas précisé s'il s'agit des mouvements du porteur, des yeux ou de la tête ou de mouvements qui peuvent survenir aux alentours. Ces lentilles de contact pourraient servir à afficher des informations en réalité augmentée sur le même principe que les lunettes imaginées par Google. Cela étant dit, le concept de Samsung pose quand même des questions de vie privée. Si des lunettes équipées d'une mini-caméra se voient, il est permis de réagir en demandant, par exemple, de ne pas filmer. Ce n'est pas le cas des lentilles qui peuvent être très discrètes. Nouvelle du futur, voilà pour CNX. C'est tout pour ce bloc-là et c'est tout pour le Mathieu Plante Show pour aujourd'hui. On se termine ça rapidement. On n'a plus de temps. Mais merci d'avoir été à l'écoute quand même. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h. Après nous, c'est Audiomatique. Et on rappelle les jeudis à 14h. Après nous, dans quelques moments, dans une heure, je crois, ce sera Palmarès du Monde avec David Ferron. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis les mardis de 15h à 18h. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante avec Mathieu Plante et de Samuel Girard. C'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye.